Cela faisait une petite dizaine d'années que le débat, pourtant millénaire, sur la forme de l'univers était, disons, en dormance. Les observations des satellites WMAP et Planck avaient en quelque sorte signé la fin de partie, laissant entendre que la courbure de l'univers était presque nulle et que sa forme, finie ou infinie, était vraisemblablement plate. Jusqu'au mois de novembre dernier, où un article publié dans Nature Astronomy a remis un jeton dans la machine expliquant que non seulement l'univers ne serait pas plat mais sphérique et qu'il serait qui plus est fini. Alors plat, sphérique, hyperbolique, torique, fini, infini, ouvrons la boîte de Pandore de la question de la forme de l'univers. Forme de l'univers, un débat infini, c'est le programme topologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ce problème qui soucie l'humanité depuis les débuts de la civilisation, il nous fallait des pointures d'envergure. Et nous ne sommes pas peu fiers de recevoir aujourd'hui Marc Lachaiseret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite CNRS au laboratoire astroparticules et cosmologie à l'université Paris Diderot. Et Jean-Philippe Usan, bonjour. Bonjour. Cosmologiste, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Mais avant de partir pour les confins de l'espace-temps, si tant est qu'il y en ait, nous restons encore quelques minutes ici et maintenant dans l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une nouvelle étude qui ébranle le modèle cosmologique de la matière noire. L'hypothétique matière noire, cela fait des décennies que les astrophysiciens traquent les traces de son existence. On ne peut pas l'observer directement, mais elle expliquerait le comportement et le développement des galaxies. Il existe plusieurs hypothèses sur son fonctionnement. La matière noire chaude, avec des particules proches de la vitesse de la lumière, et la matière sombre froide, avec des particules qui se déplacent à des vitesses plus lentes. Dans une prépublication prévue pour la revue The Astrophysical Journal, une équipe coréenne questionne les modèles de matière noire froide. Ce qui est important dans cet article, c'est qu'il remesure l'évolution en luminosité avec le temps des supernovas à grand redshift, à grand décalage vers le rouge. Annie Robin est directrice de recherche CNRS à l'Observatoire de Besançon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a inventé, entre guillemets, l'énergie noire parce que on a montré dans les années 90 que l'expansion de l'univers, elle semblait s'accélérer. Et ça a été fait à partir de la distribution des supernovas et en supposant que ces supernovas, à différents redshifts, elles avaient toutes la même magnitude absolue. C'est-à-dire que la luminosité des supernovas, quand elles explosent, elle est la même tout le temps et elle n'a pas changé dans le temps depuis le début de l'univers. L'accélération de l'expansion de l'univers, ça a quand même donné lieu à un prix Nobel en 2011. Parce qu'il y a deux équipes qui ont utilisé la distribution des supernovas pour montrer l'accélération de l'expansion de l'univers. Et cet article donc de l'université de Yonsei en Corée montre que, en fait, quand on étudie avec beaucoup de détails les supernovas de type 1A, donc c'est ce qui nous intéresse ici, dans des galaxies à haut redshift, en fait, on peut montrer que leur luminosité a évolué dans le temps. Et le changement de luminosité dans le temps, il va avoir le même effet qu'une accélération de l'expansion de l'univers. Donc, cette étude remet en cause le fondement de la théorie de l'énergie noire, sur lequel énormément de gens se basent pour les modèles cosmologiques actuels. Donc, c'est vraiment quelque chose de peut-être révolutionnaire dans notre compréhension de l'univers. On passe au bref. De la poussière d'étoiles vieille de 7 milliards d'années vient d'être découverte sur Terre. 7 milliards d'années, c'est plus vieux que notre système solaire qui s'est formé il y a environ 4,55 milliards d'années. Cette poussière d'étoiles vient de la météorite de Murchison qui est tombée en Australie en 1969. Les cosmochimistes de l'université de Chicago ont réussi à dater 40 micrograins. Ils ont fait une batterie d'examens pour trouver les effets de l'exposition au rayonnement cosmique. Une exposition qui laisse des traces sur les grains de carbure de silicium. Les détails de l'étude sont à lire dans la revue PNS. Et grâce à ces grains pré-solaires et grâce à cette datation, nous avons désormais une preuve directe que dans notre galaxie, il y a eu un boom de naissance d'étoiles il y a 7 milliards d'années. Les États-Unis viennent de créer le premier robot cellulaire. Un xénobot, le premier robot construit entièrement à partir de cellules vivantes. Ce xénobot mesure quelques millimètres de large. Il a été créé à partir de cellules souches de grenouilles. Les mathématiciens ont utilisé un algorithme afin de déterminer sa forme. Pour le moment, les prototypes dans les boîtes de Pétri sont seulement capables de se déplacer et de pousser des particules dans une seule direction. À terme, les auteurs de l'étude rêvent de l'utiliser comme un outil médical. L'étude vient d'être publiée dans la revue PNS. On peut voir toutes les étapes de la fabrication sur YouTube et l'équipe a rendu son code source disponible gratuitement sur GitHub. Et l'ONU vient de dévoiler un plan d'action pour protéger au moins 30% de notre planète d'ici 2030. Mais l'ONU a publié hier une ébauche de texte pour piloter la prochaine COP15 sur la biodiversité qui se tiendra en Chine en octobre. On y trouve 17 directives, dont celle de protéger au moins 30% des zones terrestres et marines avec au moins 10% sous stricte protection. Je cite, l'objectif est de stabiliser le taux de perte de biodiversité d'ici 2030, puis de faire en sorte que cette biodiversité augmente de nouveau d'ici 2050 en laissant les écosystèmes se régénérer. Il reste donc encore 10 mois pour déterminer comment mettre en œuvre ces mesures. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. L'univers est infini et incompréhensible, mais l'univers limité est absurde. Cette certitude absolue de l'infinité du monde, jointe à son incompréhensibilité, constitue une des plus crispantes agaceries qui tourmentent l'esprit humain. Cette phrase issue de « L'éternité par les astres » de Louis-Auguste Blanqui, elle dit bien quelque chose, Jean-Philippe Usan, de ce jeu impossible, de ce casse-tête que constitue la forme de l'univers aujourd'hui, comme bien finalement dès les premières civilisations humaines. Tout à fait. Bon, déjà, elle dit quelque chose de très important, peut-être encore plus important que ça. C'est la nécessité absolue d'étudier notre univers, ce lieu dans lequel on vit. C'est-à-dire que ça fait partie de presque de notre condition humaine. Et je crois que c'est important de le rappeler, surtout aujourd'hui. On pense que beaucoup de la recherche est faite pour avoir des applications. Comprendre la connaissance pour la connaissance de notre état dans ce monde, aussi bien on parlait de biodiversité, mais de l'univers, c'est peut-être ça l'aventure humaine. Et donc ça, je pense que ça fait partie de l'ADN de l'humanité de se poser ces questions. On se les est posées depuis l'Antiquité, on continue à se les reposer. Ce sont des questions difficiles. La question est de savoir quand est-ce que ces questions sont des questions de science et quand est-ce que finalement elles sortent du champ scientifique. Alors cette question de la forme de l'univers, de la finitude de l'univers, elle a ça d'intéressant, c'est que les gens en ont débattu depuis des milliers d'années et pendant quelques décennies, elle est rentrée dans le champ de discipline scientifique puisqu'on a pu tester un certain nombre de modèles par les observations. Et la question, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a eu une phase de latence. Est-ce que ça va repartir ou pas? Et ça, c'est toujours au gré des nouvelles observations, de la façon dont on réinterprète un certain nombre de faits. Donc je pense que la première chose, c'est que ça nous montre que toute la dynamique de la science et de ces questions, et que souvent il faut prendre du temps pour réanalyser les choses parce qu'on n'a pas des réponses immédiates et simples. Marc Lachaiserey, l'univers infini est incompréhensible, l'univers limité est absurde, ça veut dire que ce sont les Charybdes des Scylla de l'astrophysicien théoricien contemporain. Infini, on n'en sait rien du tout. Incompréhensible, pas tout à fait quand même, parce qu'on comprend, ou en tout cas on croit comprendre quelques petites choses. Absurde, c'est plutôt un jugement de valeur, parce que c'est à chacun de décider si tout ça pour lui a du sens ou n'en a pas. Mais pour continuer sur ce qu'a dit Jean-Philippe, il y a toute une progression de la pensée, bien entendu, depuis avant la civilisation des Grecs, sur... je dirais peut-être pas encore l'univers, mais d'abord notre monde. Et une des premières nouveautés dans cette réflexion, c'est l'apparition de la notion d'univers, c'est-à-dire un cadre unique et unifié, c'est-à-dire dans lequel il y a des lois universelles, ce qui permet de faire de la physique. Et c'est ça l'apparition de la notion d'univers qui est le cadre dans lequel on travaille aujourd'hui. Et ça, on peut dater ça à peu près de Newton et du XVIIe siècle. Donc la notion d'un univers unifié, unique, c'est le début de la science, c'est le début de la physique, et c'est dans ce cadre-là qu'on fonctionne. Oui. Et la deuxième chose, c'est l'idée que l'univers, c'est quelque chose qui a une forme dont on peut parler, et ça c'est plutôt une idée qui est née au XXe siècle avec les théories de la relativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'univers, on parle d'un objet qu'on représente géométriquement, donc par une entité géométrique, qui a une forme, et... à peu près tout ce qu'on peut lire sur la cosmologie qui a été publiée depuis un an, quand on dit l'univers est en expansion, l'univers est fini ou infini, il a une courbure ou il n'en a pas, tout ça ce sont en fait des affirmations qui concernent la forme de l'univers. Alors bien sûr, pour le grand public, on ne les exprime pas sous cette forme géométrique, mais dans la réalité, c'est ça. C'est-à-dire, l'univers, c'est un objet géométrique qui a une forme, et quand on parle de l'expansion, quand on parle de la structure de l'espace, infini ou pas, ce sont des aspects différents de la courbure, de la forme de cet objet univers. On va d'ailleurs prendre le temps de redéfinir justement la différence entre forme, courbure, géométrie, topologie, etc. Peut-être un mot, puisque pour évoquer l'évolution de cette conception de l'univers et donc in fine, comme vous venez de le rappeler, Marc Lachaiserey, de sa forme, le débat initial n'est pas tant sur la forme, Jean-Philippe Puzan, que sur la finitude. Est-ce que ce que l'on voit sur la voûte céleste est fini ou infini? Et là, il y a deux écoles historiques qui s'opposent, hein. Ceux qui sont pour la version plutôt aristotélicienne, la finitude, et puis ceux qui sont pour l'infinitude. Voilà, donc c'est qui est-ce qui disait « Si je me trouvais à la limite du ciel, pourrais-je tendre dehors ma main ou un bâton ?» Archytias de Tarente, c'était ça. Les atomistes. Ouais. Le paradoxe de la lance. Le javelot. Voilà, oui. Le javelot. Et en fait, c'est très bien posé, c'est oui ou non. Hein, certes, il est absurde que je ne puisse pas le faire, mais si j'y parviens, cela implique l'existence d'un au-dehors. Et donc voilà, et on a cette fameuse gravure dans je crois que c'est dans l'Astronomie de Flammarion, avec ce berger qui est au bord de l'univers. Donc on a tout de suite ce paradoxe qui finalement est très intuitif. Soit c'est fini et il y a un bord, il y a un endroit où ça s'arrête, et qu'y a-t-il après l'endroit où l'univers s'arrête? Soit il est infini, et concevoir l'infini, manipuler l'infini, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui a demandé des développements de théories mathématiques et que nous ne savons pas faire depuis très très longtemps. Donc tant qu'on n'a pas les outils mathématiques pour penser l'infini, pour manipuler l'infini, est-ce que on est aussi effrayé? Donc on est dans une situation où on a l'impression qu'il y a une alternative et que quelle que soit la solution, on va être embarrassé. On revient à Blanqui d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est un débat qui dure depuis très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous les protagonistes qui ont travaillé dans le domaine de l'astronomie et de la physique. Hein, je parle Galilée, Bruno, Kepler, Descartes, Pascal, etc. Tous se sont exprimés d'un côté ou de l'autre à propos de l'infinité possible de l'univers. Et c'est vrai que pendant longtemps, penser un univers qui soit infini, c'était vraiment difficile parce qu'on n'avait pas les outils mathématiques. Et puis petit à petit, ces outils mathématiques ont été mis au point, notamment les nouvelles géométries du 19e siècle, ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes ou les géométries riemanniennes. Et finalement, l'idée d'infini est devenue tout aussi admissible que l'idée d'un univers fini. Et il y a aussi une nouveauté qui était exceptionnelle parce que, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, si l'on voulait, par exemple, au temps des Grecs, penser un univers fini, on ne pouvait pas le faire sans imaginer qu'il ait un bord, qu'il ait une frontière. Et l'idée de la frontière, avec le paradoxe de la lance, était quelque chose qui était très difficile à accepter. C'était paradoxal. Et la nouveauté qui a été introduite grâce à ces nouvelles géométries du 19e siècle, c'est qu'il était parfaitement possible de penser un espace ou un univers qui, tout en étant fini, c'est-à-dire de circonférence finie, de volume fini, n'est aucun bord, n'est aucune frontière. Et par exemple, quand on va voir la naissance de la cosmologie moderne avec le premier modèle cosmologique moderne relativiste proposé par Einstein en 1917, dans ce modèle d'Einstein, l'espace a une extension finie, c'est-à-dire il a une circonférence qu'en principe on peut estimer, il a un volume qu'on peut exprimer avec un nombre parfaitement fini, et pourtant il n'a aucune frontière, il n'a aucun bord. Et ça, c'est une nouveauté tout à fait fondamentale sur laquelle Einstein a beaucoup insisté d'ailleurs. Et sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Pour conclure cette introduction, peut-être qu'il faut aussi, et pour aider tout le monde et nos auditeurs, casser un modèle instinctif quand on pense le débat sur la forme de l'univers, c'est-à-dire finalement ce modèle un peu primordial que l'on a tous hérité de l'enfance en tête, Jean-Philippe Puzan, à savoir l'idée que, après le Big Bang, l'univers a gonflé comme une bulle et que c'est une bulle qui gonfle et qui enfle. Ça, c'est complètement faux parce qu'il faut comprendre que l'univers, c'est tout et qu'il n'y a pas d'un intérieur et d'un extérieur. Bref, il faut réussir à briser un peu cette idée reçue qu'on peut avoir en tête. Alors, la première chose qu'il faut peut-être déconstruire, c'est les représentations qu'on fait en général dans les livres. On représente un univers à deux dimensions qui est en train de se dilater, comme si l'univers avait un centre. Non. Donc on a le Big Bang finalement qui est une frontière dans le temps de cet univers. Avant, il n'y a pas de notion d'espace, il n'y a pas de notion de temps. Et juste après, il y a un espace à trois dimensions qui est là et qui n'a pas de sens. L'univers, la distribution de matière aux grandes échelles est homogène, c'est-à-dire que tous les points sont mathématiquement identiques. Ce qui veut dire qu'on n'a pas un centre, on n'a pas une explosion en un point et un univers qui se dilate. On a l'apparition, s'il y avait une dynamique, il faudrait le voir comme l'apparition d'un espace soit fini, soit infini, mais à trois dimensions. Donc déjà ça, en termes de représentation, on ne sait pas trop le faire, mais le modèle cosmologique n'adresse même pas la question. Lui, il le décrit, il remonte jusqu'à cette singularité qu'il identifie dans un certain nombre de cadres théoriques, hein, puisque pour arriver à la notion du fait qu'il y ait une singularité, eh bien, c'est que nous sommes dans le cadre des théories classiques de la gravitation. On a un certain nombre de théorèmes qui nous disent ça, et donc il y a un bord. Il y a un bord dans le temps. Question, est-ce qu'il y a aussi un bord dans l'espace ou pas? Mais il n'y a pas d'univers qui se dilate dans quelque chose. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important quand on pense à la géométrie. On a tout le temps, parce que ça, nous vivons dans un espace à trois dimensions, et dès que nous faisons un dessin, ce dessin se trouve dans cet espace à trois dimensions. Et on a l'impression que, par exemple, si je veux représenter la surface d'un ballon, donc une sphère, j'ai besoin d'un espace extérieur pour décrire cette surface-là. Et ça aussi, c'est quelque chose que les mathématiques nous ont appris, c'est que l'on pouvait décrire une surface sans avoir besoin de faire référence à un espace extérieur dans lequel on plongerait cette surface. Donc là, on est piégé par nos habitudes de représentation des surfaces, des volumes, et on peut oublier, ça c'est encore les mathématiques qui nous ont donné les outils pour penser ces objets-là de façon intrinsèque. Si vous n'avez pas besoin de faire référence à un espace extérieur, alors il est superflu de supposer qu'un espace extérieur existe. Marc Lachaiserie. Voilà, oui, ça c'est effectivement, Jean-Philippe souligne une question qui est très souvent posée. Dans quoi l'univers est-il en expansion? La réponse, c'est dans rien du tout. L'univers, ou c'est... dans lui-même. Non. Et encore, bon, on peut ergoter, bien sûr. Mais l'univers représente la totalité de tout. C'est pour ça qu'aussi la notion d'autres univers ou d'univers parallèles est une notion qui n'existe pas vraiment en physique. Et quelquefois, c'est vrai, on voit ces mots, mais c'est simplement des autres morceaux lointains de l'univers auxquels on fait allusion, des morceaux peut-être peu accessibles. Et donc, bien sûr, on est choqué par l'idée que l'univers puisse avoir une frontière, et donc pour ce qui est d'une frontière spatiale, la question semble réglée aujourd'hui. Mais Jean-Philippe a fait allusion à cette singularité que quelques-uns appellent le Big Bang et qui apparaît dans les modèles cosmologiques qui décrivent le mieux notre univers, en tout cas dans les versions de ces modèles qui datent d'il y a quelques années. Et il y a quelques années, c'est-à-dire, je dirais, il y a un demi-siècle à peu près, où ces modèles sont devenus assez populaires et admis de la communauté, cette notion de singularité, cette notion de bord temporel de l'univers a quand même posé beaucoup de problèmes, parce que d'une part l'idée d'un bord, et d'autre part ce qui se passait à ce bord où il semblait que la densité, la température deviennent infinies, tout ça a été très choquant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une grande partie des physiciens qui pensent que cette singularité, ce qu'on appelle le Big Bang, n'a jamais existé de manière stricte. C'est-à-dire quand on remonte dans les 13,7 milliards d'années où on arrive à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose qui s'est produit, qu'on ne sait pas encore décrire aujourd'hui, qu'on appelle le temps de Planck, pendant lequel sans doute s'appliquerait une théorie physique qu'on ne connaît pas encore, qui serait la gravité quantique. Et puis peut-être il y a eu quelque chose d'avant, si bien que finalement on n'aurait pas besoin de parler de cette singularité. Donc la singularité, ce qu'on appelle le Big Bang dans un sens un peu strict, ce modèle pointu avec cette espèce de bord pointu de l'univers, d'un univers qui serait un peu conique, eh bien c'est l'approximation zéro de quelque chose qu'on pense en réalité être beaucoup plus subtil, mais que nous n'avons pas les moyens d'aborder. Donc quand on parle aujourd'hui des modèles de Big Bang, on parle de ce qui s'est passé pendant ces 13 milliards d'années depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, mais ce qui s'est passé à ce moment-là, singularité ou autre chose, et a fortiori ce qui s'est passé avant, c'est quelque chose que pour le moment reste dans l'ignorance. On appelle ça temps de Planck. C'est 10 moins 43 secondes. Non, parce que oui, on le prend comme zéro. On le prend comme zéro. Et il y a une échelle de temps, effectivement, qui est associée au phénomène de gravité quantique. C'est en tout cas ce que nous pensons, qui est celle que vous dites, qu'on appelle le temps de Planck, 10^-43 secondes, qui est finalement caractéristique de ces phénomènes qui ont dû se dérouler à cette époque et qui combinent la gravitation et la physique quantique. C'est pour ça qu'on appelle ça temps de Planck, en référence à Planck, qui est un des fondateurs de la physique quantique. Mais ce qui s'est passé exactement, on ne le sait pas. Et quelquefois on dit cette ère de Planck a duré 10 puissance moins 43 secondes, ou elle s'est produite à l'âge de 10 puissance moins 43 secondes. Non, parce que ça voudrait dire qu'on a, on a un zéro et on n'en a pas de zéro. Mmh. Donc on va le prendre à ce moment-là de manière conventionnelle, comme on a pris aujourd'hui le zéro à la naissance du Christ, mais on aurait aussi bien pu le prendre à ma naissance, ou à celle de Jean-Philippe, ou à celle de la Révolution française. C'est ça. Et ce qui est important qu'il faut rajouter, c'est que tout ce que nous affirmons sur l'univers, donc l'origine des galaxies, toute l'histoire cosmique, en gros, on a des observations qui remontent jusqu'à la nucléosynthèse primordiale, donc on va tester, à partir une fois qu'on a défini cet instant de Big Bang, on va dire quelques fractions de secondes, on commence à avoir des informations sur l'univers. Il n'y a rien de tout ça qui va dépendre de la forme exacte dont on va résoudre ce problème de la singularité. Et je pense qu'il faut toujours déconnecter les choses. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on fait de la science, on fait toujours des modèles simplifiés, des représentations des phénomènes de la nature que l'on considère. Et puis, il y a un moment, on fait des hypothèses et on sait que c'est faux. Mais on sait aussi qu'on arrive à circonscrire le fait que même si c'est faux, ça ne va pas affecter ce que l'on va établir par ailleurs. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous évoquons la forme, la finitude, la courbure, la topologie de l'univers, en compagnie de Marc Lachaiseret et Jean-Philippe Puzan. Peut-être d'ailleurs dire un mot, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir recours, Marc Lachaiseret, à la topologie plus qu'à la géométrie? Pourquoi est-ce que c'est plus facile de concevoir ce débat en termes topologiques? Ça n'est pas que c'est plus facile, mais c'est que la topologie fait partie, si vous voulez, de la géométrie. Quand on parle de géométrie, quand je parle de la géométrie d'un plan, d'une sphère, d'un polyèdre ou quoi que ce soit, il y a toujours une topologie sous-jacente. C'est-à-dire, si je parle d'une sphère, mais en imaginant que je peux un peu la déformer, qu'elle est malléable, ce qui va rester toujours identique quand je déforme la sphère, c'est son aspect topologique. Et c'est-à-dire, on voit bien qu'une sphère, ça n'est pas la même chose qu'un plan. Parce que justement, ça ne va pas jusqu'à l'infini. Voilà, une première différence, une première caractéristique de la topologie, c'est quand on parle d'une surface, mais ça sera vrai aussi bien d'un espace ou d'un espace-temps, c'est de pouvoir dire, il est fini ou il est infini. Et il est fini peut-être dans une direction et infini dans l'autre, comme un cylindre. Et, bon, tout à l'heure, Jean-Philippe nous a dit qu'il fallait éviter cette fausse idée comme quoi l'univers serait par exemple une surface plongée dans autre chose, c'est tout à fait vrai et c'est essentiel. Mais si on veut se représenter l'univers à quatre dimensions, un espace-temps à quatre dimensions, c'est très difficile. Donc moi je propose quand même souvent de l'imaginer comme une surface à deux dimensions, en imaginant qu'elle a quatre dimensions, autant qu'on puisse se l'imaginer, parce que faire c'est rentrer pas facile. Deux, quatre dans deux, mais il faut en même temps, comme l'a dit Jean-Philippe, oublier que c'est dans autre chose. C'est assez difficile. Mais si on arrive à faire ça, on voit très bien, par exemple, que le premier modèle cosmologique dont je vous parlais, qui est le modèle d'Einstein, si on le ramène à deux dimensions, c'est un cylindre. C'est un cylindre, donc, avec des sections spatiales qui sont les cercles et une section temporelle qui sont les lignes droites. Et justement, il y a des sections temporelles bien définies dans ce modèle, et c'est une des raisons pour lesquelles ce modèle a été critiqué, parce que la théorie de la relativité, c'est une théorie dans laquelle le temps disparaît, et le premier modèle que propose Einstein, créateur de la relativité, c'est un modèle où il y a quelque chose qui ressemble énormément au temps. Donc, grosse critique, les critiques étaient pertinentes, comme l'a montré la suite, mais enfin voilà pour l'histoire. Ensuite, on est arrivé, c'est une longue histoire, au modèle en expansion. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre un modèle statique comme celui d'Einstein et un modèle en expansion? Ben, c'est que le modèle statique d'Einstein, c'est un cylindre, c'est-à-dire que les sections spatiales restent toujours identiques à elles-mêmes. Au contraire, le modèle en expansion, c'est une sorte d'entonnoir qui s'ouvre. Et c'est comme ça qu'on peut visualiser l'expansion. Et ensuite, on va se demander, est-ce que l'expansion va s'accélérer ou pas? Eh bien, ça veut dire, est-ce que cet entonnoir, il va ou non se refermer sur lui-même? Est-ce que ses parois sont rectilignes ou sont incurvées? Donc, vous voyez que toutes ces questions qu'on évoque, expansion, accélération de l'expansion, ça se ramène à la forme de l'univers, d'une manière évidemment un peu plus compliquée que ce que j'ai dit, parce que c'est à quatre dimensions, mais c'est comme ça. Et quand on parlait tout à l'heure de la singularité, de ce point qui serait un point, une frontière dans l'univers, ben ça voudrait dire que cette espèce d'entonnoir en expansion, il a une pointe. Donc c'est un cône déformé. Donc si vraiment on prend au sérieux ce modèle de Big Bang où l'univers est en expansion avec une singularité, eh bien il faut le voir comme un cône qui est déformé. S'il n'y a pas de Big Bang, ça veut dire qu'on enlève le cône et l'endroit où il y avait le cône, bah, ça reste flou. C'est justement cette aire dont on ne peut rien dire, cette partie de la géométrie de l'univers qu'on ne sait pas décrire. Mais n'empêche que tout le reste de ce cône, c'est l'univers physique, c'est celui que l'on explore avec nos observations. Et la question, donc, par exemple, la question de l'accélération de l'univers dont on parlait tout à l'heure en préambule, ben c'est la question de savoir si les génératrices de cet entonnoir sont rectilignes ou bien courbées, et courbées à quel point, courbées partout, courbées avec quelle intensité de la courbure, etc. Et ensuite, on se demandera bien sûr, si elles sont courbées, comme on l'observe, c'est l'accélération de l'expansion, quelle est l'origine de cette courbure ? Alors justement, peut-être qu'on peut revenir à cette marque historique, temporelle, qui est celle des calculs d'Einstein en 1917, qu'évoquait tout à l'heure Marc Lachaiserey. Qu'est-ce qui fait que la relativité générale va commencer à fixer les termes de ce débat sur la forme de l'univers, Jean-Philippe Uzan, et notamment à propos de ces notions de courbure que vient d'évoquer Marc Lachaiserey ? Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être deux concepts qu'il va falloir distinguer, c'est celui de géométrie et de topologie. Alors la relativité générale en 1915, c'est quelque chose de révolutionnaire, ça vous dit que l'espace-temps a une géométrie, c'est pas quelque chose de donné a priori, donc la géométrie va devenir une partie de la physique, finalement il faut détrouver la géométrie de votre espace-temps. Et pour cela, Einstein nous donne des équations. Les fameuses équations d'Einstein ont pour solution ce qu'on appelle des espaces-temps, et c'est donc des espaces-temps à quatre dimensions munis d'une géométrie. Mais pour autant, ce qu'on sait, c'est que pour une géométrie donnée, il peut y avoir différentes topologies. On peut avoir plusieurs topologies compatibles avec la même géométrie. Par exemple ? Par exemple, eh bien, Marc a parlé tout à l'heure du cylindre, qui a une géométrie, qui est une surface euclidienne, donc de courbure nulle. Eh bien, si on coupe ce cylindre et qu'on le colle, on va avoir un tore. On a deux espaces, un qui est infini dans une direction, mais pas dans l'autre, et l'autre qui est complètement fini. Et puis, une feuille de papier qui serait infinie va aussi avoir la même géométrie. Même géométrie, différentes topologies. La relativité générale nous donne des équations pour, a priori, déterminer la géométrie de l'espace-temps. C'est quelque chose de techniquement extrêmement difficile, mais au moins on a des équations. Elle ne dit rien de la topologie. Ce que l'on sait, c'est que la géométrie va contraindre la topologie. Il faut que celle-ci soit compatible avec la géométrie, mais elle ne la détermine pas. Et en fait, on peut éventuellement la déterminer par l'expérience, et je pense que c'est pour ça que les gens se sont excités. C'est-à-dire qu'il y avait une liberté. On a supposé les espaces les plus simples, qui pouvaient être infinis ou finis suivant la géométrie. Mais ensuite, pour chacun de ces types d'espaces, donc les espaces hyperboliques ou euclidiens, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres possibilités. Et à partir du moment où on a réussi à construire des espaces qui étaient finis et sans bord, la question était légitime de savoir si le volume de l'univers était fini ou non. Et ça, c'est intéressant parce que si jamais on avait découvert une topologie ou si on en découvre une dans le futur, ça nous dira que peut-être il va falloir aussi trouver des équations pour savoir ce qui détermine cette topologie. D'où est-ce que ça vient ? Pour l'instant, personne n'en a aucune idée. Donc là, on est sur un endroit où on a ni équation, et c'est simplement les observations qui éventuellement vont pouvoir mettre en évidence une propriété de l'espace. Marc Lachaiserey, peut-être pour compléter sur cet apport de la relativité générale sur la question de la courbure et sur la question de la courbure notamment et de la densité. Voilà, la courbure, c'est ce qui caractérise finalement l'aspect géométrie dans la distinction qu'a faite Jean-Philippe. Et ce que nous disent les équations de la relativité et ce que nous disent aussi nos observations, c'est quelque chose qui est finalement local. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on observe l'univers, même si on observe très loin aujourd'hui grâce à nos détecteurs, nos télescopes, etc., on observe que dans une certaine zone de l'univers, qui lui est très grand, peut-être infini, et d'ailleurs il y a des limites fondamentales qui s'appliquent à l'extension de la partie de l'univers qu'il est possible d'observer, ce qu'on appelle l'univers observable. Donc, tous les renseignements que nous pouvons avoir, soit de manière observationnelle, soit par les équations, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est quelque chose de local. Et grossièrement, ça nous dit, dans cette partie locale, il semble que l'espace soit à peu près plat. C'est-à-dire qu'il y a une courbure qui soit sensiblement zéro à la précision que l'on puisse obtenir. Bon, on peut discuter de ça, mais admettons ceci. Eh bien, comme l'a dit Jean-Philippe, le fait que localement on connaisse la géométrie, qu'elle soit plate, c'est compatible aussi bien, si on était à deux dimensions, ça serait compatible aussi bien avec un plan qu'un cylindre ou qu'un tore. C'est-à-dire, cette information précise que nous avons sur la géométrie locale ne nous dit pas quelle est la géométrie globale de l'univers. Or, ça nous intéresse énormément parce que c'est ça qui va nous dire si l'univers est fini ou infini, au moins dans une dimension ou dans l'autre. De la même façon que sur Terre, on ne peut pas se rendre compte de la courbure de la planète à l'échelle locale, voilà, pour prendre une analogie. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a encore des gens qui nous disent que la, la Terre est plate. Ils sont peu nombreux. Ils n'écoutent pas cette émission. Ou alors, ils sont très pervers. Je pense, oui. Donc voilà, le problème topologique se pose. Mais évidemment, si on veut se poser des questions à propos de la topologie de l'univers, c'est certainement pas des questions qu'on va pouvoir résoudre par des observations locales. Parce que si par exemple l'univers, mettons, qu'il soit cylindrique, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui n'influe pas sur tout ce qui est local, mais qui influe sur sa forme globale. Donc le seul moyen qu'on aurait de s'assurer que l'univers est cylindrique, c'est finalement d'observer quelque chose qui en fasse le tour. Alors d'en faire le tour nous-mêmes, ça serait certainement impossible, parce que même s'il est cylindrique, sa circonférence ferait sans doute des dizaines de milliards d'années, mais peut-être qu'on peut observer, je ne sais pas moi, des photons qui ont fait le tour de l'univers, ou d'autres particules. Et avec Jean-Philippe, on a fait des travaux dans ce sens il y a quelques années, même peut-être maintenant quelques dizaines d'années, et on a été très excités par toutes ces questions. L'idée effectivement, ce serait de pouvoir, en tout cas nos observations jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à aujourd'hui, Jean-Philippe Puzan, ne nous ont pas montré de symétrie qui attesterait d'une finitude, ou en tout cas, comme vient de le décrire Marc Lachaiseret, de certains photons voilà, qui auraient pu, à notre échelle, faire le tour et nous reparvenir pour envoyer une double image d'un point lumineux d'une galaxie, peu importe. Exactement. Donc là, la première idée, c'est comme tu l'as dit, on peut voir si un espace est fini, c'est faire le tour de l'espace, comme on a fait le tour de la Terre. Donc voilà, on va toujours tout droit devant soi et on voit si on revient à son point de départ. Ça, c'est en pratique pas possible dans notre univers. Et la question, c'était de se dire, si je vois un objet, une galaxie lointaine, eh bien, elle va émettre de la lumière dans toutes les directions. Est-ce que je peux la voir plusieurs fois dans le ciel? Et puis ensuite, avec le fond diffus cosmologique, il y a eu d'autres techniques. Et on va revenir au fond diffus cosmologique, bien justement, à ces observations de Planck et de WMAC qui ont, en quelque sorte, fixé ce débat sur la forme de l'univers. Et nous allons voir que ce débat, bien tout fixé qu'il est encore bien mobile. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving, and revolving at 900 miles an hour. It's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Peut-être aurez-vous reconnu, comme Jean-Philippe Puzan, la galaxie Song des Monty Python dans le sens de la vie, puisque on disait au tout début de cette émission que l'univers infini était incompréhensible et l'univers limité absurde. Incompréhensible et absurde, ça allait bien avec les Monty Python pour cette émission. Nous parlons donc de la forme de l'univers avec Marc Lachaiseret, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à l'Université Paris Diderot, et Jean-Philippe Puzan, cosmologiste, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Nous nous étions arrêtés donc avant cette pause musicale sur le fait que selon un conseil consensus relativement partagé et en l'absence de preuves observationnelles suffisantes du contraire, l'univers serait donc a priori plat. On reviendra encore sur le fond diffus cosmologique et sur les observations, mais je le disais tout à l'heure, le 4 novembre dernier, la publication d'une étude dans Nature Astronomie est venue relancer le débat. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez rencontré l'un des auteurs de cette étude. Oui, il s'agit de Joseph Silk, le cosmologiste britannique, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et professeur associé à l'université Johns Hopkins. Dans l'étude qu'il a co-réalisée, Joseph Silk suggère que l'univers serait sphérique et fermé. Pour parvenir à cette suggestion, les chercheurs ont exploité une anomalie dans les données collectées en 2018 par l'Observatoire spatial Planck concernant le fond diffus cosmologique. Cette anomalie tient, si on le résume, dans le fait que la lumière du fond diffus cosmologique semble déviée par une quantité de masse plus importante que celle supposée par le modèle standard en vigueur. Joseph Silk, traduit ici par Alexandra Delbo, nous explique pourquoi cette anomalie peut avoir des implications dans notre compréhension de la forme de l'univers. So what we've discovered is that the data now. Ce que nous avons découvert, c'est que les données du satellite Planck peuvent être adaptées à un modèle très simple qui tient compte de la force des fluctuations primordiales à toutes les échelles angulaires. Mais il y a un gros problème à l'échelle angulaire la plus grande. Les fluctuations que nous observons sont trop petites, d'un facteur 2 ou 3. C'est une question qui nous préoccupe depuis longtemps. Certains de mes collègues diront qu'il s'agit d'un hasard statistique, que l'univers peut durer éternellement et que nous sommes simplement malchanceux à ces échelles de mesure. Mais une autre explication est que si l'univers est fini, alors le nombre de fluctuations sur ces échelles de 90 degrés est très limité. Vous ne pouvez plus en intégrer autant dans l'univers, parce que sa taille est limitée. C'est donc un argument, peut-être pas le plus fort, mais un argument en faveur du fait que l'univers est fini et doit être courbé pour reproduire l'équivalent d'une sphère. Le nouveau développement intéressant auquel nous sommes parvenus, et qui avait été suggéré avant nous, mais je pense que nous l'avons rendu plus convaincant, c'est que les modèles privilégiés par les données du fond diffus cosmologique penchent en faveur d'un univers clos, un univers fini. When the universe is compact or closed, there's a little more mass. La raison qui expliquerait cela, c'est que lorsque l'univers est compact ou fermé, il y a un peu plus de masse. Si on résume, il est plus dense quand on regarde l'horizon de l'univers. This extra compactness means that the effect of gravity is important. Et cette masse supplémentaire, cette compacité, signifie que l'effet de la gravité est important à cause du phénomène découvert par Einstein et qu'on appelle lentille gravitationnelle. Cet effet de lentille implique que les fluctuations observées voient leurs échelles atténuer. Les fluctuations mesurées par le satellite Planck se sont avérées un peu trop atténuées en comparaison des prédictions du modèle standard de la cosmologie. C'est donc là, il y avait un problème. Les données de Planck ne correspondaient pas aux modèles les plus simples. Nous avons dû ajouter un nouveau paramètre, et celui qui nous a semblé le plus plausible était celui de la courbure de l'univers. Nous avons découvert que dans un univers qui est légèrement courbe et fini, les fluctuations sont atténuées exactement de la même façon dont on les a mesurées, donc ça marche bien. Voilà donc la preuve, à partir des données du fond diffus cosmologique, que l'univers est clos. Quelle suite vous allez donner à ces travaux de recherche concernant la forme de l'univers et qu'est-ce qui vous reste maintenant à apporter comme preuve supplémentaire pour affirmer, confirmer l'hypothèse selon laquelle l'univers aurait une forme plutôt courbe, sphérique ? The first thing we have to do is make sure that the data is... La première chose dont nous devons nous assurer, c'est que les données sont correctes et ne sont pas soumises à ce qu'on appelle des erreurs systématiques. Des erreurs qu'on ne comprend pas vraiment, mais qui influent sur les mesures et peuvent les biaiser légèrement. Et c'est très difficile à déterminer quand on traite plusieurs jeux de données complètement différents. Selon moi, Les données du fonds Diffus cosmologique sont extrêmement détaillées et c'est l'ensemble des données le plus sûr dont on dispose. C'est donc très dur d'imaginer une quelconque erreur dans ces mesures. La seule option est peut-être qu'il y a une nouvelle physique que nous n'avons pas encore incluse dans nos modèles. Il y a donc là une possibilité. Certaines personnes ont commencé à modifier les lois de la gravité en suggérant que la gravité de Newton et d'Einstein n'était pas correcte et que dans certaines régions, la gravité est légèrement plus importante dans des zones peut-être de basse densité dans l'univers. L'autre approche concerne les supernovées, qui sont les éléments les plus importants avec les étoiles variables à cette échelle de distance et qui ne sont pas encore bien comprises. Nous n'avons pas encore de modèle théorique unique qui nous permettrait d'expliquer l'explosion des étoiles. Donc, nous devons récolter encore beaucoup de données et de meilleures données concernant ces étoiles distantes pour être sûr qu'elles répondent aux mêmes contraintes physiques que les étoiles plus proches. C'est un domaine de recherche très actif. En tout cas, pour l'instant, je dirais qu'un jeu de données penche en faveur d'un univers courbe et sphérique. La combinaison de ces données avec toutes les autres données révèle des contradictions, les données ne prenant pas en compte les mesures faites dans l'univers proche, favorise un univers plat et fini, se dilatant pour toujours. À l'heure actuelle, nous n'avons pas assez de modèles physiques pour choisir entre ces différentes possibilités. Voilà Joseph Silk, hein, qui est co-auteur de cette étude publiée en novembre dans Nature Astronomy à propos d'un nouveau modèle de courbure et de topologie de l'univers. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Marc Lachaiserey? Il y a énormément de choses dans ce qu'a dit Joe Silk. La chose que je retiens, qui est une des dernières qu'il a dites, c'est qu'il faut sans doute faire appel à une nouvelle physique. De toute façon, aujourd'hui, quelles que soient les solutions retenues, il n'y en a aucune que l'on connaisse qui ne fasse pas appel à une nouvelle physique. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le problème de la dynamique des galaxies, il y a une partie de la communauté qui pense que c'est dû à de la masse cachée. Cette masse cachée, on ne la connaît pas, ça n'est pas quelque chose qui fait partie de la physique, disons, admise aujourd'hui, donc c'est une nouvelle physique. Il y a une autre partie de la communauté qui pense que c'est dû au fait que la bonne théorie de la gravitation n'est pas la relativité générale, mais ce qu'on appelle une gravité modifiée, donc c'est une nouvelle physique. On peut dire la même chose à propos de l'accélération de l'univers qu'on observe. Certains disent c'est ce qu'on appelle une énergie noire, mais ça n'existe pas dans la physique d'aujourd'hui, donc c'est une nouvelle physique. D'autres disent c'est dû au fait que c'est pas la théorie de la relativité qui est la bonne théorie de la gravitation, donc c'est une nouvelle physique aussi. Donc, de toute manière, la cosmologie, quelles que soient les options que l'on adopte, nous dit la physique n'est pas, la physique que nous connaissons n'est pas le nec plus ultra de la physique, il y a encore des choses à trouver. Et il y a d'autres arguments qui viennent de la théorie elle-même qui nous disent un peu la même chose. Par exemple, le fait qu'il faut résoudre cette contradiction qui existe aujourd'hui entre la physique quantique et la relativité. Donc, de toute manière, il y a une nouvelle physique. Bon, d'autres arguments. Alors, ce que nous dit Joe, c'est que à un moment donné, on a l'impression que... l'univers est fini, donc la courbure spatiale doit être positive. Je pense pas que j'ai très bien entendu à ce moment-là, parce qu'effectivement, justement, un des intérêts de la topologie, c'est-à-dire d'imaginer que l'espace, au sein de l'espace-temps, puisse avoir une topologie qui n'est pas la théorie standard, c'est d'apporter la possibilité que l'extension de l'espace soit finie, bien qu'en ayant une courbure nulle. Hein, c'est exactement le cas du tore dont on parlait tout à l'heure, puisque le tore, est une surface qui a une extension finie, au moins dans une direction, et qui pourtant est plate, et qui donc a une courbure nulle. Là, ça s'applique éventuellement à l'espace. Bon, ce que dit également Joe est très vrai, mais très connu sur les supernovas, c'est-à-dire que on connaît mal le processus d'explosion du supernova dont on a besoin pour faire cette calibration qui nous conduit à la conclusion que l'expansion de l'univers s'accélère, donc on peut avoir des surprises là-dessus. Mais dans ce cas-là, je pense, personnellement, quand on a découvert que l'expansion s'accélérait dans les années 90, découvert entre guillemets, ça a été une surprise que pour une partie de la communauté, parce qu'on avait déjà des informations sur la formation des galaxies, sur l'âge de l'univers, qui de toute manière impliquait ce qu'on interprétait à l'époque comme une constante cosmologique, qui était une autre manière de dire que l'expansion s'accélère. Donc, c'est vrai que ce problème existe à propos des supernovas, mais indépendamment des observations grâce aux supernovas qui ont valu ce prix Nobel à leurs auteurs, je pense qu'il y a d'autres arguments qui, pour moi, sont encore plus solides, nous disant que l'expansion s'accélère. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Mmh. Et c'est vrai que ce que fait Joe, c'est qu'il rassemble un peu différents doutes que l'on peut avoir, soit sur la fiabilité des données, soit sur leur interprétation dans différents domaines. Et que quand on rassemble tout ça, c'est vrai qu'on commence à pouvoir se poser un petit peu des questions. Mais je veux quand même dire que ces questions sont des questions qui se posent sur quel est, dans la famille assez nombreuse de tous les modèles de Big Bang possibles, quel est le bon modèle qui décrit notre univers ? Ça n'est pas quelque chose qui nous dirait « il faut abandonner les modèles de Big Bang et passer à autre chose ». C'est savoir quelle est la bonne version des modèles de Big Bang qui décrit le mieux notre univers. Mmh. Jean-Philippe Puzan, justement, à propos de cette théorie et cette version finie et sphérique de l'univers décrite par Joseph Sillick. Alors, je vais en profiter pour faire un certain nombre de commentaires. Donc, la première chose, c'est que tout le monde s'est étonné. Moi, ça m'a un peu surpris, d'ailleurs, que tout le monde s'étonne, parce que dans l'article de Planck de 2017, il y a un paragraphe entier qui prend en compte cette hypothèse-là. Donc, c'était déjà quelque chose qui était, pour les gens de la communauté, déjà assez connu. En 2003, quand WMAP a sorti ses données, on avait la même indication d'un univers sphérique. J'ai d'ailleurs moi-même écrit un article avec George Ellis juste à ce moment-là en disant que ça mettait des contraintes fortes sur notre modèle cosmologique. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que ces idées qui étaient considérées par un très petit nombre de gens commencent à trouver écho. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Joe parle d'un certain nombre de phénomènes. C'est un peu difficile de tout remettre ensemble. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on voit apparaître un certain nombre de tensions entre les observations et leurs interprétations. C'est le cas de la courbure, c'est le cas de la valeur de la constante de Hubble. Et je crois que c'est le signe que on a beaucoup parlé de cette cosmologie de précision, d'améliorer la précision de nos mesures. Et je crois qu'il faut avant tout parler de cosmologie de justesse. Tout cadre cosmologique, toute théorie, est nécessaire pour l'interprétation des observations. Et je crois qu'aujourd'hui, la description de notre univers tel que l'on le fait, avec cet univers homogène, avec toutes les hypothèses que l'on a, était peut-être une bonne description quand on avait des barres d'erreur de 5%, 10%, et quand on arrive au pourcent, il va falloir sophistiquer les choses. Donc avant de parler de nouvelles physiques, il faut se poser la question de savoir est-ce que le cadre cosmologique que l'on utilise au niveau théorique à la précision une robustesse qui est du même ordre de grandeur que la taille des barres d'erreur des observations. Et je crois que c'est ça où on arrive aujourd'hui, parce qu'on voit plein de tensions. Et c'est pas à chaque fois de la nouvelle physique. Je pense que, d'ailleurs, la nouvelle physique, il y a énormément de choses qu'il va falloir contrôler et ficeler avant de pouvoir vraiment affirmer que c'est de la nouvelle physique. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on parle de cet univers qui a peut-être donc une géométrie sphérique, donc qui serait finie. Pour moi, c'est pas de la nouvelle physique, puisque là, on parle d'une solution des équations de la relativité générale. Donc, c'est un modèle parmi l'ensemble des modèles qui ont été considérés depuis un siècle. C'est hyper intéressant. Ça serait une découverte fondamentale de prouver que le volume de l'univers est fini. Mais pour autant, ce n'est pas de la nouvelle physique. Cela ne remet pas en cause la relativité générale ou tout le reste. Il y a des raisons, et Marc en a souligné un certain nombre. Et je crois que quand on fait la liste des hypothèses de notre construction d'un modèle cosmologique, on voit qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui reposent sur de la physique, les lois de la relativité générale, les propriétés de la matière, les types de champs de matière, est-ce qu'il y a de la matière noire ou pas, ça c'est de la nouvelle physique ou pas. Et ensuite, dans ce cadre-là, il y a un ensemble de constructions, de modèles. On doit faire des hypothèses supplémentaires. Est-ce que l'univers est homogène et isotrope, le fameux principe copernicien ? Tous les modèles considérés là font cette hypothèse-là. Est-ce qu'elle est vraie ou pas ? Là, c'est quelque chose qu'on est aussi capable de tester. Et dans ce cadre-là, on va et les observations vont vous indiquer, ah, vous êtes plutôt sur ce modèle-là ou sur ce modèle-là. Donc, on n'est pas en train de remettre en cause toute la physique. On est simplement en train de dire, bah, vous pensez que c'est cette solution-là, dans votre magasin d'images, comme dire. Voilà celle qui est plutôt favorisée, étant donné les observations que vous avez. Et je crois qu'il faut, il faut garder à l'esprit qu'on a ce jeu d'itération, que c'est hyper important et que ce qui est en train d'être fait là, retourner aux observations, de voir à quel point il n'y a pas de biais, et est-ce qu'on va pouvoir mettre en évidence cette propriété-là par d'autres observations plus directes, c'est quelque chose de très important à faire, parce que les conséquences en sont importants, mais pour autant, ça ne remet pas tout en cause. Alors justement, quelles sont les conséquences de cette bascule de modèle ? Est-ce que il y a aujourd'hui, si on envisage de façon différente l'univers sur différents modèles topologiques, finis ou infinis, est-ce que ça a une conséquence sur bien les modèles de Big Bang que vous évoquiez, Marc Lachaiseret, sur le devenir de l'univers ? Est-ce que tout ça modifie un peu ces paramètres ? Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Philippe, parce que je crois qu'il y a là la clé de quelque chose. C'est-à-dire que quand on parle du taux d'expansion de l'univers, du paramètre de Hubble, quand on parle du taux d'accélération de l'univers, quand on parle de la courbure de l'espace, il s'agit de quantités moyennes finalement. Et faire une moyenne, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, encore moins évident quand on est dans le cadre de l'univers que quand on est dans le cadre, disons, de la physique normale. Je vais prendre simplement un exemple. Si vous me demandez quelle est la circonférence de la Terre, bon, je peux la mesurer avec un mètre ruban très long, mais si je vais la mesurer, je mets mon ruban, je fais un tour de l'univers, je fais le tour ailleurs, je vais trouver trois résultats différents. Évidemment, ils seront tous de l'ordre de 40 000 km, mais quand je veux faire quelque chose de précision, je vais jamais trouver le même résultat. Donc je peux faire beaucoup de mesures et puis je vais dire je vais faire la moyenne. Mais où ai-je fait les mesures ? Et quand je fais la circonférence, par exemple, quand je passe sur la mer, est-ce que je fais passer mon ruban à la surface de la mer ou au fond en suivant tous les trucs, tous les interstices ? Bon, donc cette notion de circonférence de la Terre que l'on comprend très bien quand on a une image un peu grossière, quand on s'intéresse à la vraie Terre, à la Terre réelle, elle perd sa signification, puisque la Terre n'est pas une sphère. Bon, ben c'est pareil. Les modèles de Big Bang, ce sont des sortes de modèles idéalisés, dans lesquels on suppose que la matière est répartie de manière uniforme et que la courbure de l'espace, du coup, est constante à peu près partout. Que c'est uniforme. C'est ce qu'on appelle des modèles conformes aux principes cosmologiques. Évidemment, la matière n'est pas exactement uniforme. Il y a des galaxies, entre les galaxies, il y a le vide intergalactique. À l'intérieur d'une galaxie, il y a des étoiles, des planètes, etc. Bon, donc, on fait une sorte d'approximation. Et l'univers réel, de la même manière que la Terre n'est pas une sphère parfaite, mais elle a des creux et des bosses, des montagnes et des vallées, l'univers a aussi des creux et des bosses, qui s'appellent les galaxies ou le vide intergalactique. Et cette notion... Prenons par exemple le paramètre cosmologique le plus simple, qui est le taux d'expansion qu'on appelle constante de Hubble. Ça n'est bien défini que pour le modèle parfait, le modèle idéal, qui est la première approximation que l'on puisse faire de notre univers. Bon, et quand on veut son ordre de grandeur, 70 km par seconde et par mégaparsec, qui est assez bien mesuré, il n'y a aucun problème là-dessus. Sachant que quand même, ça a été révisé d'un facteur 10 depuis à peu près un siècle. Bon, mais quand on veut être plus précis, eh bien, on commence à être confronté au problème que l'univers réel n'est pas identique à sa première approximation, à ce modèle idéal qu'on utilise pour le représenter. Et donc, on commence à voir les creux et les bosses, ces creux et ces bosses qui ont une influence. Il est certain, tout le monde est d'accord sur le fait qu'ils ont une influence. Quant à savoir... Quel est le niveau de cette influence? Comment elle se manifeste? Est-ce que elle va dans un sens ou dans l'autre? Ça, on commence à avoir des débats sur ces questions-là. Et là, je crois qu'on atteint le niveau de précision dans les estimations des paramètres cosmologiques, y compris d'ailleurs la courbure, où on ne sait plus trop de quoi on parle, quoi. Parce qu'on parle, par exemple, de la courbure d'une sorte d'espace idéal qui serait un espace totalement homogène, alors qu'on est dans un espace bossé. Et non seulement on n'a pas accès à la valeur moyenne de la courbure, parce qu'on fait toujours des sondages, même quand on sonde avec beaucoup d'objets, beaucoup de galaxies, etc., c'est toujours dans des zones assez limitée, évidemment, de l'espace. Non seulement ça, mais en plus, la notion même de moyenne, alors sur la Terre, on a quand même une assez bonne idée de la manière dont on peut faire la moyenne de l'altitude, par exemple. Faire la moyenne dans un espace-temps à quatre dimensions, deux quantités qui sont pas forcément ce qu'on appelle des quantités scalaires, c'est-à-dire des nombres, c'est quelque chose d'assez difficile techniquement. Donc, on tombe sur des tas de problèmes, ce qui est un peu une autre manière de dire, je crois, ce que disait Jean-Philippe. Donc, pour répondre à votre question, la réponse, c'est que peut-être on est arrivé à une sorte de maximum de ce que peuvent dire nos modèles idéalisés qui sont la première approche. Et que maintenant, pour aller plus loin, il va peut-être falloir abandonner la manipulation de ces quantités moyennes, c'est-à-dire de parler d'une courbure moyenne, d'une accélération moyenne, d'un taux d'expansion moyen, mais parler de quantités un peu analogues, mais définies zone par zone et époque par époque. Est-ce que, pour conclure, Jean-Philippe Usan, en quelques mots, on a compris qu'on est arrivé aussi, certainement pour l'heure, en tout cas, à certaines limites observationnelles et aux résultats de WMAP et de Planck, et de ce que peut nous dire le fond diffus cosmologique à propos de ce débat. Mais est-ce que là-dessus, est-ce que si on arrive à voir, à percevoir au-delà du fond diffus, est-ce qu'on peut augmenter notre technicité pour obtenir des indices qui ne sont pas encore disponibles, ou est-ce que, comme vient de l'évoquer Marc Lachaiseret, aujourd'hui, plutôt que de chercher à avoir une moyenne globale, il faut s'arrêter sur des mesures plus locales qui permettraient finalement d'avoir des réponses plus précises? Là, je vais faire une réponse de Normand. Il faut les deux. C'est-à-dire que c'est vrai que si on arrive à mesurer, par exemple, des ondes gravitationnelles, on va pouvoir poser des questions en particulier sur cette fameuse phase d'inflation qui fait partie de ce modèle standard. Là, on n'en a pas parlé, mais si l'univers a une courbure positive, il y a aussi le fait que la durée de l'inflation ne peut pas être aussi longue que si l'univers est strictement euclidien. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir des contraintes qu'il va falloir prendre en compte de façon cohérente dans l'analyse des observations telles que ça n'a pas été fait aujourd'hui. Donc, ça va nécessiter aussi de refaire ce genre d'analyse. Joseph Silk parle beaucoup des modes de fluctuation. Si vous êtes dans un espace fini, ces modes sont quantifiés, c'est-à-dire qu'il n'y a que des valeurs possibles, des ondes qui peuvent exister dans cet espace-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que localement, vous pouvez éventuellement pouvoir mesurer, ou à des échelles grandes devant la taille des galaxies, mais pour autant, mais qu'on doit pouvoir tester? Et il parle en fait de ce manque de puissance aux grandes échelles, et c'est ça qui avait motivé en fait dans les années 2000 les premières études sur la topologie, parce qu'on savait que dans un espace qui est fini, les modes de grande longueur d'onde en fait sont supprimés naturellement parce qu'ils ne peuvent pas tous exister. Et donc ça, c'était la motivation première, on va dire, venant des observations, pour reconsidérer les espaces finis. Et donc on voit que quelque part on retourne, c'est un peu un cycle après 20 ans, on retourne aux motivations qui ont motivé les gens il y a 20 ans. La question, c'est de savoir aujourd'hui, en 20 ans, on a emmagasiné beaucoup plus d'informations. Est-ce qu'on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin que les contraintes qu'on avait obtenues? Juste pour vous donner une idée, pour que les gens se rendent compte, la quantité à laquelle vous voulez comparer, c'est la taille de l'univers observable. Si l'espace est strictement euclidien, ce qu'on a montré, c'est que si l'univers est 15% plus grand que ça, eh bien, vous ne pouvez pas faire la différence entre un espace infini et un espace très grand. Est-ce que dans le cas sphérique, ça va être le cas? Parce que là, dans le cas sphérique, il y a une contrainte très forte entre la valeur de la courbure et la taille de l'univers. Ça, c'est des choses qui devraient peut-être être reconsidérées aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous parler de ce passionnant débat. Merci Marc Lachaiseret, merci Jean-Philippe Usan. Jean-Philippe Usan, une sortie bientôt au mois de février. Ah, c'est une réédition de mon livre sur les constantes fondamentales. L'importance des constantes de la mesure du cosmos, c'est chez Duno. On suivra ça. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, Yves Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette de Saint-Vulfranc, Céline Lozet, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Demain, il sera question de toute autre chose, des empreintes biométriques. Chaque fois que l'on nous les demande, nous avons l'impression de faire un pas de plus vers la dystopie orwellienne. Et si ces empreintes biométriques n'étaient pas si nocives que cela, si la biométrie pouvait être notre amie? Pourquoi pas? C'est une hypothèse que l'on testera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.